Ok, ce matin, on vend tout l'été. Hein, tout l'été, Glenn nous a demandé d'apporter des réflexions, des partages sur des psaumes. Donc, ce matin, moi, j'ai choisi le psaume 42. Alors, on va commencer par lire le psaume 42, si vous voulez bien. Le chant? Non, non, non. Mais après. Après. Ok. C'est bon? Psaume 42. Comme une. J'allais dire comme une biche, parce que je suis habitué avec la version second. Parce que c'est un psaume que j'ai appris par cœur. Je l'ai mémorisé et je l'ai médité que deux fois. Hein? Combien de fois? Alors, la version seconde, elle disait, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, verset 3, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, « Ton Dieu, où est-il donc? » Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance, et tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je te louerai encore, car il est mon sauveur. Mon âme est abattue, ô mon Dieu, c'est pourquoi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mithyar, je pense à toi. Maintenant, le verset 8. Parce qu'on va surtout s'arrêter sur le verset 8. J'aime pas ce bédule là. Hmm? Peux-tu le revenir? C'est bon? L'ancien, si tu l'as, c'est mieux, je pense. On va faire avec. On va faire avec. Je ne ferai pas de tapis ici. Hein? Verset 8. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans cesse ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mais mon espoir, on l'a chanté ce matin, hein? Mais mon espoir, mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. Merci Père pour ta parole ce matin. Et puis là, je te nous prenons ce moment pour méditer sur ce psaume. Puisses-tu nous puissions-nous recevoir de tes bienfaits ce matin et de ton réconfort. Amen. Amen. Ce matin, dans ce psaume, ce que j'aimerais faire ressortir, c'est la soif de Dieu. Il y a plusieurs titres que j'aurais pu donner au psaume. Là. Je pensais par exemple à un cœur, avoir un cœur pour Dieu. Un cœur qui désire Dieu. Un autre titre que j'aurais pu donner, ça aurait pu être l'appel, hein? L'appel des profondeurs. L'appel qui est en nous des profondeurs. Le verset 8, je reviens au verset 8, qui dit, « Un abîme en appelle un autre, tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. » En anglais, le texte dit, « Deep calleth unto deep at the noise of thy waterfalls. » On va revenir là-dessus. Mais, juste avant de commencer, de méditer le psaume 42, j'aimerais vous faire entendre un chant. Il est en anglais, vous me permettez? Oui, oui. En anglais? Pas de problème. Même si le 24, ça s'en vient, c'est dimanche prochain. Je sais, des fois, il y a des gens, ça dérange l'anglais, là, et je ne veux pas blesser personne. Mais c'est un beau chant. Et quand j'ai commencé à méditer le psaume 42, c'est à cause de ce chant-là, chanté par David Chapman, dont le titre c'est « Un homme selon le cœur de Dieu ».« A man, a man according to your heart ». Et puis c'est un très beau chant. Je vous invite à l'écouter. Très beau chant que j'ai dû écouter mille et une fois. Et que j'ai aussi... lorsque d'autres passaient par des moments difficiles, que j'ai pu partager avec eux le CD pour que ça puisse les réconforter aussi. David, hein, on disait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, une femme, soit selon le cœur de Dieu? David était un homme avec beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes, et pourtant on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Denise disait ce matin, elle racontait l'histoire de Larry, hein, comment que on peut être très imparfait, et même dans notre imperfection, hein, Dieu nous aime, puis on peut être un homme, on peut être une femme, selon le cœur de Dieu. Et c'est un peu ce que le psaume, je vais développer avec le psaume 42 ce matin, c'est qu'est-ce qui fait de nous un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, sinon la soif que nous avons de Dieu. La soif que nous avons de connaître Dieu. Il y a deux semaines, j'étais chez des amis. Puis on va essayer de ne pas dépasser midi, ok? D'accord? N'inquiétez-vous pas. J'ai des amis, au cours de toutes les années de pastorat, je me suis fait quelques amis. Dont, entre autres, il y a des gens qui ont décroché aussi des églises. Et ça, c'est un couple. Entre autres, on se voit régulièrement avec d'autres couples. Et puis... ils sont déménagés, c'est des gens qui étaient dans les Laurentides auparavant, maintenant ils sont déménagés en Estrie. Et puis, à l'occasion, on se voit. Malgré le fait qu'ils sont déménagés en Estrie depuis 5 ans, ils n'ont pas trouvé de communauté à laquelle adhérer. Malgré le fait qu'ils ont fait le tour des communautés chrétiennes, des églises, parce que le discours que les églises tiennent bien souvent, ne leur convient pas, parce que bien des églises sont dans une boîte, hein, un cadre, et puis le discours qu'ils tiennent est vraiment, hein, dans la boulamite, hein, ils conservent un vieux discours. Puis parfois, il y a des gens qui ont de la difficulté à... Les gens qui ont peut-être fait un certain cheminement dans leur foi, sont arrivés ailleurs, dans leur foi, ont de la difficulté à se retrouver dans cet ordre-là. Nous avons fait une démarche, hein, pendant des années ici, hein, de vouloir aérer notre discours, donner la liberté de penser aux gens. Je dirais que j'ai de plus en plus d'intolérance pour les gens qui pensent avoir des réponses et qui n'ont pas de questions. On peut avoir des réponses, mais je dirais que nos réponses, on doit toujours questionner nos réponses. Que ce n'est pas parce qu'on a une réponse que c'est la bonne réponse. Il y a toujours une remise en question à savoir est-ce que la réponse que j'ai est la bonne réponse. Donc, ça c'est juste pour vous mettre dans le contexte de la méditation du psaume 42. Donc, ce couple d'amis que je vois quelques fois par année, qui ne fréquentent pas l'Église, mais par contre, qui ont élevé leurs enfants dans la foi. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai célébré le mariage de leur fils aîné. Et l'automne dernier, j'ai eu le privilège, parce que le fils m'a appelé et a dit, « Jacques, on voudrait présenter notre enfant au Seigneur. Alors, est-ce que tu voudrais venir à la maison et présenter l'enfant au Seigneur? » Ce que j'ai fait avec plaisir. Et je trouvais ça bien que même si dans leur pensée à eux, ils ne fitent pas dans le cadre d'une église organisée, de l'institution, la foi est là dans leur cœur au point de dire, on veut présenter notre enfant au Seigneur. On veut l'élever dans les voies du Seigneur, dans les voies de Dieu. Donc, à l'occasion, lorsque j'y vais avec d'autres amis, par exemple à Noël, j'ai passé Noël chez eux, et puis le Noël au matin, on a déjeuné, puis ensuite on a pris la Sainte Cène ensemble. Et chaque fois que j'y vais, on fait un petit culte, on fait un culte familial. Parfois des enfants sont là, parfois ils ne sont pas là. Et puis, mais on fait un culte, on prend la Sainte Cène de façon décontractée dans le salon. Le pain et le vin. Et puis, on a un temps. Et pour eux, je sais que pour eux, c'est un moment qui est très cher pour eux, parce que c'est la seule occasion qu'ils ont de partager avec d'autres de leur foi, vu qu'ils ne fréquentent pas une communauté chrétienne. Il y a 2 semaines, j'étais donc chez eux. Et puis, ça donnait que leurs enfants étaient là. C'est tous des grands-enfants. Ils sont tous partis de la maison, dont un est marié, puis le plus jeune est à l'université à Montréal. Et puis, le dimanche matin, alors on déjeune, et puis ensuite, le couple dit, on va faire un culte ensemble, on va en profiter de Jean qui est là, puis on va faire un culte, et puis les enfants, si vous voulez participer, vous participez, si vous voulez pas participer, vous ne participez pas. Mais les enfants ont tous participé, puis sont venus. Et là, j'ai lancé une question, parce qu'on parlait, entre autres, en lavant la vaisselle, tout ça, là, puis on parlait de qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien. Et là, j'ai sorti ma phrase passe-partout, en leur partageant que pour moi, être chrétien, ça veut dire vivre ma vie en référence au Dieu de Jésus-Christ. Vous m'avez entendu 101 fois, le dire dans la communauté. Alors, que pour moi, être un chrétien, c'est de vivre ma vie en référence au Dieu de Jésus-Christ. C'est pas un credo, c'est pas une morale, c'est pas toutes ces choses-là, taf, mais c'est de vivre ma vie en référence au Dieu de Jésus-Christ. Et là, c'est toujours sensible, parce que avec les jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes là, et puis c'est toujours parfois, sachant que les jeunes sont moins religieux, sont plus peut-être un petit peu réticents à tout ce qui est cadre, institution. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui impose ou qui veut. Donc, on est assis dans le salon, puis là, je leur dis, écoutez, j'aimerais vous entendre. Vous voulez, je parle à leurs enfants. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Être chrétien, c'est de vivre en référence au Dieu de Jésus-Christ. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, la jeune fille a commencé à donner son opinion. Et puis, ensuite, leur cadet, le plus jeune, celui qui est à l'université, un jeune homme très brillant. Et puis, là, alors qu'on parle, de vivre notre référence, de vivre notre vie en référence au Dieu de Jésus-Christ, il sort cette phrase. Parce que là, hein, il y a une discussion. Puis il dit, je ne sais pas si c'est important ou non de croire en Dieu. Pour moi, c'est une question de donner un sens à la vie et avoir des valeurs. Il en sait comme ça. Je ne sais pas si c'est important ou non. Parce que ses amis, il y a des bons amis à l'université, qui eux ne croient pas. C'est des bonnes gens, des bonnes personnes. Alors donc, il m'arrive avec cette réflexion, je ne sais pas si c'est important ou non. Une chose que je sais, c'est que pour moi, ça donne un sens à ma vie. Et ça me donne des valeurs. Et là, hein, il a élaboré sur les valeurs que ça lui donne dans sa vie, à lui. Ce qui m'a amené à partager sur le psaume 42, la soif de Dieu. Pas tous ont soif de Dieu. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, est l'homme qui a cette soif de Dieu. Mais tu sais, on va passer à la prochaine diapo. Le verset 8 qu'on a lu. Là, je m'arrête sur ce verset-là. Parce que c'est un verset qui est venu dans tout le psaume 42, c'est le verset qui est venu m'interpeller. Hein, à cause du chant, justement, de David Chapman. Dans la Bible à Colombes, le verset 8 est traduit de la façon suivante. Un abîme appelle un autre abîme. Au bruit de tes cascades, toutes les vagues et tous tes flots passent sur moi. Je vous le donne en anglais. Deep calls unto deep at the noise of thy waterfalls. All thy waves and thy billows are gone over me. On l'a vu dans la semaine. La version de Jérusalem. Hein, c'est intéressant de voir les différentes versions de la Bible. Comment ils traduisent un verset. Parce qu'on a vu que la colombe, la semeur, ne traduisent pas tout à fait comme l'anglais le traduit. La Jérusalem dit, « L'abîme appelant l'abîme au bruit de tes écluses, la masse de tes flots, de tes vagues a passé sur moi. » Moi, je pense que c'est la taube qui rend peut-être le verset le plus semblable à la version anglophone. Tu dis, « Les flots de l'abîme s'appellent l'un l'autre. » C'est là-dessus que je veux insister. Les flots de l'abîme s'appellent l'un l'autre. Au fracas de tes cataractes, en se brisant et en roulant, toutes les vagues ont passé sur moi. Un commentaire sur ce verset dit que l'image qui nous est présentée dans ce verset-là, l'image qui nous est présentée est celle d'un violent orage qui se prépare au-dessus de la mer. Le ciel est assombri par une formation de nuages accompagnée de vents violents. Alors que la profondeur du firmament, la profondeur du ciel, du firmament, les nuages laissent tomber une pluie abondante, comme on en a vu ces dernières semaines. La profondeur des mers est remuée par la profondeur, par l'orage, la force de l'orage, les profondeurs de la mer sont remuées. Il y a une cause à effet. Ainsi, la profondeur des mers répond à la profondeur des cieux. C'est beau. Ce qui nous amène, tu vois, une lecture sommaire du verset, selon certaines versions de la Bible, ne nous donne pas ce portrait-là. C'est pour ça que c'est important parfois de lire un verset ou un texte dans plusieurs versions de la Bible pour saisir les nuances du verset. Les profondeurs, David dit, les profondeurs du firmament, les profondeurs de Dieu. Les profondeurs, comment, pour moi, la soif de Dieu, c'est de sonder les profondeurs de Dieu. Et c'est lorsqu'on sonde les profondeurs de Dieu que les profondeurs de notre âme sont remuées C'est ce que David dit. En méditant sur les profondeurs de Dieu, mon âme, les profondeurs de mon âme sont remuées. On va juste prendre quelques passages, c'est pas une concordance, là. Le psaume 36 nous parle des profondeurs de Dieu. Là, c'est dit, ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. La profondeur de la pensée de Dieu. Quand Dieu va dire, par exemple, vos pensées ne sont pas mes pensées. Votre façon de voir les choses, c'est pas ma façon de voir les choses. Le psaume 92, le psalmiste va dire, que tes œuvres sont grandioses, éternelles, que tes pensées sont profondes. La profondeur de Dieu. Mais il y a d'autres versets aussi qui vont nous parler des profondeurs de l'homme. Le psaume, par exemple, 64, qui va dire, oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Jérémie 17, 9, dont on connaît par cœur, parce qu'on s'en est servi mille et une fois pour convaincre les hommes qu'ils sont des pécheurs. Là, c'est dit, le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus toute chose. Hein? Je m'en suis servi souvent. Mais le psaume ne veut pas nécessairement dire ça. Parce que le psaume peut être traduit aussi que, puis il y a d'autres versions, qui vont rendre le mot tortueux par sinueux. Comme un sentier sinueux dans les montagnes. Le cœur de l'homme. Je pense au psaume 139. Quand David va dire, « Oh, tu m'as créé une créature si merveilleuse. » Mais encore là, certaines versions, dont une version anglophone qui va dire, « You have made me intricately. » Tu m'as fait de façon tellement complexe. Le cœur de l'homme, l'être humain, le psychisme, l'âme, la flamme, c'est tellement, tellement profond, tellement compliqué. C'est complexe, l'homme. On regarde seulement le cerveau de l'homme, au niveau biologique. C'est du spaghetti. Tout entremêlé. Mais c'est un peu ce que David est en train de dire. Là, c'est qu'il dit que tu m'as fait une créature si complexe. Tous les fils sont entremêlés. Comment savoir quel fil tirer? Sans couper le mauvais fil. Le monde est injuste. Est-ce que vous souffrez de l'injustice dans le monde? Est-ce que vous souffrez de l'injustice dans le monde? Moi, je souffre des fois. J'ai mauvais. J'ai mauvais quand je regarde l'injustice. La corruption, la collusion. Avoir faim et soif de Dieu et de sa justice, que Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta justice vienne dans ce bon monde. Et Dieu va dire, celui qui a faim et soif, il a cette soif d'être des profondeurs de Dieu. C'est un homme qui est béni. Il est bienheureux, il est heureux parce qu'il a cette soif. On connaît cette phrase de Pascal, Blaise Pascal, qui dit que la foi a des raisons que la raison ne peut pas saisir. Il y a une soif en nous que parfois on ne peut pas toujours comprendre, on ne peut pas toujours définir, mais qui est là. Un philosophe, théologien aussi, parce que Kierkegaard était non seulement un philosophe, mais sa philosophie était surtout axé sur la Bible. Et Kierkegaard disait que la souffrance, d'ailleurs il a écrit extensivement sur la souffrance, Kierkegaard disait que la souffrance existentielle vient du fait que l'infini, la pensée de l'éternité est en nous. Et que notre souffrance est proportionnel à cette nostalgie que nous avons de l'éternité. C'est pas-tu beau? Hein? Moi, ça m'a donné de comprendre bien des choses dans mon vécu à moi. Quand Yvon Deschamps, dans une entrevue, disait « Je suis un homme foncièrement malheureux. » Puis il disait « Des gens qui ont la foi, j'envie ces gens-là. J'envie les gens qui ont la foi. Ben, je suis quelqu'un de foncièrement malheureux. Mais c'est quoi ce malheur-là? C'est la soif! N'est-ce pas? C'est une soif. Une nostalgie de quelque chose. Cette pensée de Dieu, cette pensée de l'éternité qui est en nous, c'est ce qui fait qu'André, après tant d'années d'être athée, devient quelqu'un qui est un croyant, hein, qui se met à la quête de Dieu, cette soif de Dieu. Et cette souffrance, je dirais, il y a des gens qui sont dépressifs à cause d'un désordre biologique. Mais il y en a d'autres que leur déprime, leur dépression, c'est cette quête, hein? Ce mal de vivre. Et ce mal de vivre-là est bon si, justement, on se tourne, ça devient une soif de Dieu et que on prend des moyens de sonder les profondeurs de Dieu. Encore Pascal, on connaît encore cette expression de Pascal qui parle du cœur de l'homme comme ayant un vide que seulement Dieu peut remplir. Je pense, c'est moi qui pense ça, mais je vous le dis tout simplement, que je ne crois pas qu'on doit présenter machinalement l'Évangile et par un truc quelconque ou un tour de force habile, faire accepter Jésus comme leur sauveur. Est-ce qu'on l'a fait dans le passé? Je l'ai fait au pavillon Sermon de la Science. À un moment donné, Glenn a invité quelqu'un à donner son témoignage ici, là, qui avait connu Dieu au Sermon de la Science. J'étais conseiller. Là. Alors, peut-être que j'ai parlé à ce monsieur-là, je ne sais pas, mais j'étais conseiller au Sermon de la Science, Expo 107. Hein? Que de fois, les quatre lois spirituelles ont terminé par. Hein? Faire une prière machinale, Seigneur Jésus, viens vivre en moi, dans mon cœur, okay? Ça peut marcher. Je ne juge pas de la sincérité, je ne veux pas juger de. Peut-être c'est un pas qui les mène plus loin. Mais je pense qu'une réelle conversion est le fruit d'une soif de Dieu. Ce n'est pas juste une question de dire, comme j'ai entendu souvent des prédicateurs, des évangélistes, j'ai entendu dans un service funéraire un pasteur dire aux petits-enfants de la grand-mère qui venait de mourir, si vous voulez la rejoindre un jour au ciel, donnez votre vie à Jésus, comme votre grand-mère a fait. Et moi, intérieurement, je rugissais. Hein? Ma colonne vertébrale devenait toute croche. Parce que, mais voyons donc, c'est pas la raison. C'est pas la raison pour laquelle on accepte Jésus, parce qu'on veut voir notre grand-mère. Ou un autre, je connaissais un évangéliste, entre autres, qui utilisait souvent cette expression, hein? Avez-vous votre billet pour le train qui va au ciel. Ce n'est pas un billet pour le ciel que je veux. C'est connaître Dieu, la soif de Dieu. Parce que l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est l'homme, la femme, qui a cette soif de Dieu. Allons vite, okay? Je veux finir par un tableau. Ah bon? Ok. Juste rentrer ton mot de passe. Voilà. Ok. On va finir par un tableau. Mais juste avant, que faire avec cette soif? Je mentionne ça vite comme ça. Que faire avec cette soif de Dieu que nous avons? Évidemment, la prière. On ne s'étendra pas là-dessus. Hein? Mais prendre un temps. Ça peut être comme j'ai un ami qui il fait le trajet Montréal pour son travail. C'est une heure de route le matin, une heure de route le soir. Puis il dit, ça, c'est mon heure. Le trafic, moi, ça ne me bordera pas. Parce que c'est là que j'ai mon temps de communion avec Dieu. Il dit, je passe au travers de notre Père, hein? Notre Père. Tu es au CA, hein? Oui, Père, tu es au ciel. Hein? Puis il passe au travers, puis il dit, à tous les matins, c'est mon temps. Ayez un temps. Si vous n'arrêtez pas tous les jours, je ne suis pas là pour vous dire c'est à tous les jours. Mais ayez un temps de communion avec Dieu. Puisque vous sondez les profondeurs de Dieu. La lecture, la méditation de la parole, il y a eu un temps où on lisait machinalement la parole, 4 chapitres par jour, tu lisais ta Bible dans un an. Non. Mais par contre, oui, il y a un temps pour la méditer la parole. Que ce soit les évangiles, les psaumes, choisis des textes, mais méditer la parole de Dieu. Et s'attendre à ce que Dieu nous parle au travers de la parole. Le jeûne. Et là, je ne parle pas du jeûne, de la nourriture nécessairement. Mais je parle d'un jeûne des activités de tous les jours. Comme Martin, quand tu vas à la pêche. Ça va être un temps de ressourcement pour toi. Où tu pars, tu te laisses la routine. Tu t'en vas. Avoir des moments comme ça, on lâche la routine. Cette année, j'ai été malheureux une bonne partie de l'hiver. Parce que je suis pas allé en République dominicaine cet hiver. Et pour moi, quand j'y vais, c'est pas juste la mission ou le tourisme. C'est que je sors de l'ordinaire. Et pour moi, c'était comme, je passe un mois où j'ai rien d'autre à penser. Bon, il y avait une chose à penser, mais t'sais, on n'a pas des tracas d'ici, là, mais de lire, de méditer, puis d'avoir. Puis ça m'a manqué cette année. Ça m'a manqué ce temps, tu sais, de sortir de toute la routine de la vie, là, puis d'avoir un temps particulier où on jeûne des activités normales de notre vie. En terminant, un tableau. Quand j'étais en train de lire, j'ai lu dernièrement. Un livre sur quatre figures protestantes qui ont marqué la vie intellectuelle de la France au cours du XXe siècle, dont Ricard, Jacques Ellul, Charbonnier puis Pierre Chenu. Alors, il y a peut-être de ces hommes que vous connaissez. Paul Ricard a écrit beaucoup de livres, d'ouvrages sur la d'un caractère de la foi, aussi bien que Jacques Ellul. Charbonnier, je ne connaissais pas. Chenu, je le connaissais un petit peu. Mais Paul Ricard, entre autres. Et là, donc, c'est cette entrevue que l'auteur fait avec chacun de ces hommes par rapport à leur foi, comment que leur foi a marqué leur travail et comment ils ont influencé la vie intellectuelle en France. Et puis, chacun devait terminer par un tableau. Et puis, un tableau qu'ils affectionnaient, et puis ils devaient donc esquisser une interprétation de cette image. Et puis, donc, Paul Ricard avait choisi, enfin, il affectionnait, un tableau de Monet, enfin, un, c'est plusieurs, parce que, qu'est-ce qu'on appelle les nymphéas de Monet, c'est 250 tableaux. qui sont exposés à l'Orangerie à Paris. Et la salle, c'est un cercle. Et tous les tableaux sont donc affichés au mur. Et puis, si vous allez sur Internet, vous pouvez même, avec une caméra 360, voir tous les tableaux. Mais il y a un, hein, c'est 250 tableaux, mais il y a un tableau, entre autres, de tous ces tableaux qui sont exposés, que Ricœur avait choisi, de Nymphéas. Et c'est un reflet. C'est comme un lac, un cours d'eau. Puis là, c'est le ciel. C'est le ciel qui reflète sur le cours d'eau. Et là, je ne vous dirai pas tout ce que Ricœur dit sur le tableau, là. Mais entre autres, il nous dit que le tableau, en somme, c'est plus beau que la nature même. Parce qu'il dit, il dit ceci entre autres. Alors, je le cite. Vous voyez ici le ciel, l'eau, le végétal, les nénuphars. Vous ne savez plus ce qui est reflet du ciel dans l'eau et ce qui est réception du ciel par l'eau. Il y a une confusion, là. Les nénuphars, ces lys d'eau, sont la totalité d'un monde, parce qu'on pourrait dire que c'est le monde tel qu'on ne l'a jamais vu. Et là, ce tableau-là, je faisais le lien avec le psaume 42. Parce qu'encore là, c'est le ciel qui répond au lac, au cours d'eau, et le cours d'eau qui répond au ciel, le reflet de l'un et de l'autre. À un tel point qu'il y a une confusion. C'est confondu. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est un puis qu'est-ce qui est l'autre. Et je me disais, l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui par le fait même remue les profondeurs de notre âme. Le résultat final, c'est quoi? C'est qu'on devient de plus en plus un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, où les pensées de Dieu deviennent nos pensées. La sagesse de Dieu devient nous imprègne. Et on sait de moins en moins, on devrait de moins en moins savoir qui est Martin et qui est Dieu dans sa vie. Qui est Daniel, qui est Dieu dans sa vie. Il y a une confusion, ça devient confondu. Parce qu'il y a une infusion, comme le sachet de tisane qu'on met dans l'eau, il y a une infusion. Les pensées de Dieu, la profondeur de Dieu nous remue, et puis il y a cette influence sur notre vie. Et de là, on devient l'homme, la femme, de plus en plus, selon le cœur de Dieu. Voilà, c'était ma pensée sur le psaume 42. Alors, allez sur Google, et puis vous pouvez googler Nymphéas 360. Vous allez arriver sur le site, vous allez pouvoir voir tous les tableaux de Monet, de Nymphéas. Oui, oui, exactement, c'était chez lui. Oui, oui. C'est ça, oui, tout à fait. Et là, ça fait ces tableaux. Il était quasiment aveugle. Aveugle. Alors, je n'ai pas lu tout ce que Ricœur disait là-dessus, mais c'est que, en réalité, c'est la mémoire qu'il avait conservée de son jardin et qu'il ne voyait quasiment plus ses couleurs. Mais c'était de mémoire qu'il se rappelait des couleurs qu'il avait vues. Impressionnant, Un peu comme Beethoven, qui a composé la cinquième quasiment sourd. Oui, très bien. Voilà, donc, si on terminait juste par une prière, on peut se lever. Je vous laisse quelqu'un terminer par la prière, puis remettre cette semaine à Dieu.